On durcit tout d'abord ses muscles et ses organes internes en contrôlant bien la respiration. Le corps tout entier se métamorphose en arme. Il ne reste plus qu'à passer à l'attaque grâce à la puissance éphémère ainsi obtenue. Thank you. us out of the house. You want a blindfold? Yes, please. Blindfold.